50 languages. 55. 55. 55. Al-amal. Al-mihna. Travailler. Travailler. Ma mihnatuk? Ayatu mihnatin tumaris? Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Zawji tabib. Mon mari est médecin. Mon mari est médecin. Wa ana a'malu bi dawamin juz'i kamumarrida. Je travaille comme infirmière à mi-temps. Je travaille comme infirmière à mi-temps. Nous partons bientôt à la retraite. Nous partons bientôt à la retraite. Mais les impôts sont élevés. Mais les impôts sont élevés. Et l'assurance maladie est chère. Et l'assurance maladie est chère. Que veux-tu faire plus tard? Que veux-tu faire plus tard? Je voudrais devenir ingénieur. Je voudrais devenir ingénieur. Je veux étudier à l'université. Je veux étudier à l'université. Je suis stagiaire. Je suis stagiaire. Je ne gagne pas beaucoup. Je ne gagne pas beaucoup. Je fais un stage à l'étranger. Je fais un stage à l'étranger. C'est mon chef. C'est mon chef. J'ai des collègues sympathiques. J'ai des collègues sympathiques. À midi, nous allons toujours à la cantine. À midi, nous allons toujours à la cantine. Je cherche du travail. Je cherche du travail. منذ عام وأنا عاطل عن العمل. Je suis au chômage depuis déjà un an. Je suis au chômage depuis déjà un an. في هذا البلد الكثير عاطل عن العمل. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. Il y a trop de chômeurs dans ce pays.